Le Libérateur. Alors que PB Success réussit à destituer un gouvernement, l'opération faillit à installer un substitut adéquat. Les officiels de l'agence auraient pu être plus optimistes vis-à-vis de leur victoire si Castillo Armas avait été un dirigeant capable. L'échec désastreux de l'invasion détruisit toutes les illusions sur ses capacités. Mais les officiels américains avaient quelque espoir au commencement de sa présidence. Ceux-ci aussi se révélèrent être optimistes. L'espoir qu'Armas s'aligne sur les éléments centristes et modérés fut anéanti en quelques semaines, puisque la nouvelle junte recherchait seulement les éléments non soupçonnés d'avoir entretenu des liens avec le régime Arbenz, les serviteurs âgés et remplis d'amertume d'Ubico. Castillo Armas nomma José Bernabé Linares, le détesté chef de la police secrète d'Ubico, à la tête des forces de sécurité du nouveau régime. Linares ne tarda pas à interdire la littérature subversive, dont les œuvres de Victor Hugo et de Fédor Dostoïevski. Castillo Armas continua sa virée à droite en privant du droit électoral les illettrés, qui représentaient les deux tiers de l'électorat, en annulant la réforme agraire et en déclarant illégaux tous les partis politiques et toutes les organisations paysannes. Enfin, il promulgua une loi politique qui annulait la Constitution de 1945 et lui donnait les pleins pouvoirs exécutifs et législatifs. Ces déprédations inquiétaient moins John Foster Dulles que l'insolvabilité chronique du nouveau régime. Castillo Armas accéda au pouvoir au moment où les acheteurs de café, convaincus que les prix avaient trop monté, orchestrèrent une grève des acheteurs contre les producteurs d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Quelques mois plus tard, le Guatemala commença à sentir les premiers effets d'une sécheresse qui avait duré un an et avait dévasté la récolte de maïs. Le nouveau régime ouvrit les bras aux investisseurs américains, mais les seuls à en profiter furent des membres de la mafia qui s'associèrent à certains officiers de l'armée guatémaltèque pour ouvrir des casinos. Pendant ce temps, des promoteurs, des opportunistes et d'autres Américains firent naître l'espoir qu'un large programme d'aide américaine pourrait être facile à obtenir. En septembre, Castillo Armas surprit Thomas Mann du département d'État en faisant une demande d'aide de 260 millions de dollars, qui incluait des projets pour un réseau de routes nationales de 60 millions de dollars. Le département d'État avait prévu d'octroyer 4 millions de dollars de subventions et de demander au Fonds monétaire international un prêt de 20 millions de dollars pour le développement des routes, car il craignait que des aides plus conséquentes incitent d'autres pays d'Amérique latine à leur soumettre des requêtes. À la fin de l'année, il apparut clairement que les deux pays avaient des attentes totalement irréalistes concernant l'autre. Les États-Unis voulaient que Castillo Armas maintienne un gouvernement responsable sur le plan fiscal, et Castillo Armas reconnut que sa revendication du pouvoir reposait sur sa capacité à livrer des marchandises provenant des États-Unis. Le Guatemala devint rapidement dépendant des distributions des États-Unis. Les fonds étrangers du gouvernement passèrent de 42 millions de dollars à la fin de l'année 1953, quand il était facile pour Arbenz de dépenser 5 millions pour les armes tchèques, au chiffre catastrophique de 3,4 millions en avril 1955. À ce stade, le régime ne pouvait plus emprunter en interne. Fuite de capitaux, marché noir et autres signes annonciateurs de faillite jetèrent le discrédit sur le régime. Wisner se plaignit de l'incapacité du gouvernement à réaliser des recettes suffisantes pour agir. Lorsque l'aide et les prêts multilatéraux prirent fin, le département d'État proposa d'aider Castillo Armas à obtenir des prêts privés. Mais l'agence était inquiète de voir son client redevable à des banques new-yorkaises, des effets que cela pouvait avoir pour la propagande, et recommanda que cela soit refusé. En avril, Hollande fit une demande d'aide plus conséquente, passant de 4 à 14 millions de dollars. Le mois suivant, le Conseil national de sécurité, établissant que l'effondrement du présent gouvernement guatémaltèque serait un échec politique désastreux pour les États-Unis, décida d'un programme d'aide de 53 millions de dollars. L'administration Eisenhower dut combler financièrement le déficit grandissant du Guatemala, que la corruption et une mauvaise gestion aggravaient. Comme l'a fait remarquer, les États-Unis étaient prêts à subventionner certaines des pertes, mais l'ampleur de la corruption surprit les officiels américains. En 1955, quand la famine régnait dans le pays, Castillo Armas accorda à plusieurs anciens liberacionistas une licence pour importer du maïs en échange d'un pot de vin de 25 000 dollars. Des officiels des Nations Unies inspectèrent le maïs. Ils constatèrent qu'il était contaminé et impropre à la consommation. Peu après, un journal étudiant guatémaltèque révéla le scandale en reproduisant le chèque qui avait été annulé, utilisé pour soudoyer le président. Castillo Armas riposta en ordonnant à la police de prendre des mesures de répression contre ses détracteurs. L'opposition au régime se fit plus vive alors qu'approchait le second anniversaire de la libération. Le 1er mai 1956, lors d'un rassemblement de travaillistes, des ouvriers huèrent des représentants du gouvernement jusqu'à ce qu'ils descendent de la tribune et acclament d'anciens officiels du régime Arbencista. Début août, des officiels de l'ambassade rapportèrent que le Parti communiste du Guatemala était en voie de guérison, car il avait des cellules clandestines qui prenaient en main de façon efficace la direction de l'opposition. Le 25 juin, des agents du gouvernement tirèrent sur une foule d'étudiants contestataires qui se rendaient au palais présidentiel. Ils tuèrent 6 d'entre eux et blessèrent des vingtaines d'autres. Castillo Armas déclara un état de siège et suspendit toutes les libertés civiques. L'ambassadeur des États-Unis rappela au président l'importance de rendre public, preuve à l'appui, ces événements, en les présentant comme faisant partie d'un complot communiste. The United States Information Agency, USIA, accepta de les aider. Hollande rencontra des officiels guatémaltèques et leur suggéra qu'en traitant avec des manifestants, le gaz était plus efficace que les balles et infiniment préférable. Toutefois, réprimer les troubles se révéla être plus difficile que trouver le bon angle de propagande. Après une autre année d'escalade de la violence entre l'opposition et les autorités, Castillo Armas fut assassiné par un membre de la garde présidentielle. L'USIA présenta consciencieusement l'assassinat comme un complot communiste de plus. La mort du libérateur ouvrit la voie aux élections, qui offrirent une majorité relative à Ortiz Passarelli, candidat centriste. Des partisans du candidat vaincu de la droite, Idigoras Fuentes, provoquèrent une émeute, et l'armée s'empara du pouvoir en invalidant l'élection. En janvier 1958, les Guatémaltèques votèrent à nouveau. Cette fois, ils savaient ce que l'on attendait d'eux. Idigoras gagna avec une majorité relative, et peu de temps après avoir pris ses fonctions, il déclara un autre état de siège et s'arrogea les pleins pouvoirs. Pendant les troubles des années 1950, le parti centriste du Guatemala, qui avait engendré la révolution de 1944, et dominé la vie politique jusqu'en 1953, disparut de la scène politique, prostré dans un mutisme empli de terreur. L'activité politique était tout bonnement devenue trop dangereuse, puisque les groupes d'extrême droite et d'extrême gauche, dirigés par des officiers de l'armée, complotaient l'un contre l'autre. Au début des années 1960, des groupes de guérilleros commencèrent à opérer dans la partie est du pays. En 1966, les États-Unis ripostèrent en envoyant des conseillers militaires et des armes, ce qui provoqua une escalade de la violence et des représailles qui, à la fin de la décennie, avaient coûté la vie à un ambassadeur et deux attachés militaires américains, et à pas moins de 10 000 paysans. En 1974, l'armée vola une autre élection et persuada une nouvelle génération de Guatémaltèques d'avoir recours à l'intrigue et à la violence pour provoquer le changement. Les Indiens et les catholiques, qui étaient restés dans un premier temps en dehors de la politique, se rangèrent du côté de la gauche, laissant l'armée seule à droite. Fait ironique, en atteignant son objectif à court terme, renverser Jacobo Arbenz, PB Success contraria son objectif à long terme, faire du Guatemala un pays stable et non communiste. Les espoirs de voir Castillo Armas établir un régime modéré et réformiste et suivre les instructions d'experts financiers américains furent détruits par le même processus qui avait mis au pouvoir le libérateur. Comme Arbenz et le PGT avaient préconisé et mis en œuvre des réformes progressistes, pour des raisons tactiques, avait dû diriger ses appels vers les groupes les plus touchés par la réforme agraire et les autres réformes progressistes. Les éléments modérés n'appréciaient pas certains points de l'agenda d'Arbenz, mais éprouvaient du dégoût face au violent mécontentement de l'opposition. Les propriétaires terriens, pleins de ressentiment, et les partisans du régime d'avant 1944, étaient les alliés naturels des rebelles. Et Castillo Armas, en tant que chef, joua le rôle de négociateur entre ses hommes d'action et les États-Unis. Au cours de l'opération PB Success, les officiels américains eurent des raisons de croire que les tendances droitières de Castillo Armas seraient compensées par le fait qu'il était ouvert aux conseils donnés par les États-Unis. Les case officers le jugèrent influençable et réceptif aux propositions faites. Mais comme l'apprit bientôt le département d'État, les relations qu'entretenait Castillo Armas avec la CIA avaient été dictées par sa situation financière. En tant que président du Guatemala, il était en meilleure position pour soutenir les exigences de ses premiers électeurs, les grands propriétaires terriens et les opportunistes politiques. Quand les États-Unis manquèrent à fournir une aide suffisante pour donner satisfaction à ces groupes, Castillo Armas fut forcé de les calmer par d'autres moyens, ayant recours au pot de vin et à l'avancement. Le succès de Castillo Armas représentait de lourds enjeux pour les États-Unis, ce qui réduisit leur influence pour traiter avec lui. Les officiels du département d'État ne purent négocier avec la junte sur une base de réciprocité, car ils savaient, tout comme les Guatémaltèques, que les États-Unis ne laisseraient jamais échouer Castillo Armas. Au Guatemala, les officiels américains comprirent la leçon. Mais ils réitérèrent tout de même au Vietnam, en Iran et dans d'autres pays. L'intervention produit généralement des alliés opiniâtres, avides et corrompus. El Pulpo. La United Fruit Company ne tira aucun profit de la victoire. Castillo Armas restaura la plupart des privilèges de la compagnie, mais ces derniers avaient moins de valeur qu'auparavant. Les plus riches consommateurs américains des années 1950 mangeaient moins de fruits, et des compagnies indépendantes faisaient concurrence à la United Fruit. La marge bénéficiaire de la compagnie tomba de 33,4% en 1950 à 15,4% en 1957, et le cours de l'action, qui avait atteint les 73 $ en 1951, s'effondra à 43 en 1959. La compagnie alla au-devant d'un désastre environnemental en expérimentant des pesticides et l'élevage à base de sélection. Les arbres plus hauts et plus productifs se révélèrent être plus vulnérables face aux ouragans, et les vents firent tomber 20 millions d'arbres par an en 1958 et 1959. Un agent chimique utilisé pour prévenir les maladies sur les bananiers tua les prédateurs qui limitaient le nombre d'animaux nuisibles. À la fin de 1950, la compagnie fit face à des coûts plus élevés et une production en baisse. Les échecs politiques vinrent aggraver ces désastres. Dans le but d'améliorer les relations avec l'Amérique latine, le département d'État exigea que la compagnie alloue des salaires plus élevés, pas seulement au Guatemala, mais dans tout l'hémisphère. Une fois que la United Fruit ne fut plus utile à l'opération PB Success, l'administration Eisenhower reprit l'action antitrust qu'elle avait suspendue et, en 1958, la compagnie consentit à signer un décret qui la privait des intérêts qu'elle possédait dans les compagnies ferroviaires et le marketing. Les pressions que Thomas Corcoran exerça héroïquement et l'entrée de Walter Bedell Smith au conseil d'administration en 1955 ne réussirent pas à redresser la situation de la compagnie. Smith intégra la direction d'une entreprise de Boston, dont les membres avaient fait leur étude à Harvard, décrite par Fortune comme suffisante, sans imagination et bureaucratique, trop rigide et conservatrice pour faire face aux multiples difficultés de la compagnie. United Fruit continua à décliner pendant les années 1960, et en 1972, elle vendit la dernière de ses terres du Guatemala au conseil municipal de Del Monte. Quelques années plus tard, la compagnie fusionna avec Morel Meats afin de former United Brands. Mais la fusion ne suffit pas à faire stopper le déclin. En 1975, après une année au cours de laquelle la compagnie perdit 43,6 millions de dollars et subit une enquête du gouvernement fédéral pour avoir offert un pot de vin de 2,5 millions de dollars au gouvernement du Honduras, le président de la United Brands, Eli Black, brisa la fenêtre de son bureau situé dans le Panam Building et se jeta dans le vide. Deux ans plus tard, deux promoteurs immobiliers new-yorkais rachetèrent la compagnie et réussirent à faire des bénéfices. En 1984, United Brands fut racheté par une compagnie d'assurance basée à Cincinnati, American Financial Corporation, qui la possède toujours aujourd'hui. Grâce aux habitudes alimentaires changeantes des Américains, l'importation des bananes est redevenue rentable et la marque Chiquita de la United a retrouvé une part de marché majoritaire. La radio de la compagnie, Tropical Radio, qui avait employé les conspirateurs de Salama, se lança dans le commerce de téléphones cellulaires au début des années 1980 et domine maintenant le commerce des téléphones portables dans 20 villes d'Amérique latine.